Dossier 2. Enfin, les vacances. Et comme d'habitude, tu vas faire de l'escalade en montagne, Shadi, durant les vacances? Non, cette fois-ci, j'ai envie de profiter des loisirs de l'été dans un camping organisé par des scouts. Qu'en penses-tu? Tu veux te joindre à nous, Adam? Profiter des loisirs de l'été avec une équipe de scouts? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura plein d'activités. Un feu de camp, une randonnée pour découvrir les lieux cachés de la région, des balades à vélo avec des paysages extraordinaires, la pêche dans un cours d'eau et des sports aquatiques différents. Et c'est où cette région? C'est une région montagneuse à 10 km du bord de la mer. C'est un endroit merveilleux, très calme. Bonne idée. Tu pars quand? Le premier du mois prochain. Et le camp dure 15 jours. Super! Je pense que nous allons bien nous amuser.